Si l'homme agit pour gouverner parfaitement l'Empire, je vois qu'il n'y réussira pas. L'Empire est comme un vase divin auquel l'homme ne doit pas travailler. S'il y travaille, il le détruit. S'il veut le saisir, il le perd. C'est pourquoi, parmi les êtres, les uns marchent en avant et les autres suivent. Les uns réchauffent et les autres refroidissent. Les uns sont forts et les autres faibles. Les uns se meuvent et les autres s'arrêtent. De là vient que le saint homme supprime les excès, le luxe et la magnificence.